United with DJ Kim. DJ Kim. DJ Kim. DJ Kim. C'est le son de l'été 2012. Genre du half-f, tu dégrades frais, lunettes élevées, hublot poignet. J'passe le CLM au quartier, ouais c'est l'heure m'arracher au deblé. Tout l'hiver à charbonner, t'inquiète cet été on va bien profiter. Le téléphone sonne, ça y est l'heure décoller. 2-3 valises dans le coffre, direction le port, 2-40 sur la 7. Fais péter les watts, fais péter le son dans le Q7. Après quelques heures d'attente, enfin dans le bateau, j'quitte la France sans aucun regret. Encore quelques heures de traversée, et la galère sera terminée. J'arrive devant la douane, glisse dans le passeport un petit billet. Histoire d'éviter la fouille, d'y rester toute la journée. Y'a du monde qui m'attend et de la famille à embrasser. Donc il est l'heure pour moi de m'arracher. Souris, tous les jours c'est playa, fiesta et jet ski. Au bled on a la vie des quinri, les familles nombreuses je représente comme Tireke. Riff, fini la vie de galère, fini les plans foireux qui mènent à rien. Ici je suis bien accompagné des frères, accompagné des miens. Front de mer, bolide, cocotier, on est bien loin de la vie de quartier. Moi je revis, comment t'expliquer l'Algérie c'est ma vie, mon moteur, mon bol d'air. Comment oublier les grillades, les balades en T-Max sur le front de mer. Comment quitter la famille, la plage, les nuits blanches et retrouver la France, ses ennuis et ses souffrances. J'kiffe l'ambiance du bled, son charme et ses saveurs. Ses belles filles, ses paysages et sa ferveur. Passe le CLM à la famille, représente tous les coins, Algérie, Tunisie, Maroc, le Maghreb en général, MAF, Bilal, on est là, t'inquiète, 2012, aïe.